mieux ça. J'ai jamais perdu espoir. Des tas d'histoires dans nos regards. Fille de banlieusard, je ne rentre pas ce soir. Des tas d'histoires, des tas d'histoires. Il me reste des choses à faire, ce soir je vais rentrer tard. À croire que c'est de ma faute, même quand je suis pas en tort. Tu racontes que de la merde, tu ramènes que de la perte. Comme la fumée de la force, je peux faire dans toutes les sortes. Donc dès je rallume mon pilon d'air, ils veulent me tête, c'est culotté. Et sur ma mère, tu peux ramener même les renforts. Sur la côte, je la laisse piloter. Son verre, je l'ai siroté. Je suis spectateur de sa beauté quand elle s'endort. Je pense à tout, j'ai pas dormi de la nuit. Que faire sans elle, je vais faire un tour chercher le conseil de la nuit. Mais elles sont sales. T'as vu son cœur, gros, j'y repars et j'en reviens. Elle donne son corps et elle se plaint de ce qu'elle devient. De banlieue ça, j'ai jamais perdu espoir. Des tas d'histoires dans nos regards. Fille de banlieue ça, je ne rentre pas ce soir. Des tas d'histoires, des tas d'histoires. Je vais rentrer du papier. Même si t'es bonne, je veux pas la plus belle. Oh oui, évidemment elle me dit qu'elle m'aime. Oh oui, je rallume ma clope, je compte mon B9. Oh oui, et je me remets en question. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ils font les espions? Ouais, ouais, ouais. De façon, les plaies, ils se font du mal. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu mélanges trop d'adra. J'ai confiance quand maman, je comprends pas, ils ont failli m'avoir tous à la fois. Je suis troublé devant toi, tu doutes, demande-moi. Esquiver les haineurs, malheureusement c'est ça ma vie. Ma vie, ils veulent me coller mais je m'enfuis. Tu connais, mais quand je m'enfuis, la poisse me suit. Me suit, baby, sans moi du boubier. Et je me remets en question, ouais. Du papier, oh oui. Même si t'es bonne, je veux pas la plus belle. Oh oui. Évidemment, elle me dit qu'elle m'aime. Oh oui. Je rallume ma clope, je compte mon B9. Oh oui. Et je me remets en question. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ils font les espions? Ouais, ouais, ouais. De façon, les faits, ils se font du mal. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Fille de banlieue, ça, j'ai jamais perdu espoir. Des tas d'histoires dans nos regards. Fille de banlieusard, je ne rentre pas ce soir. Des tas d'histoires, des tas d'histoires. Hey, hey.